Éteins les lumières, respire des sommets. Sens le vent sur tes ailes. Laisse le monde s'effacer. Et détends-toi. Тебя помню, подберу.